Épisode 11. Lundi soir. Encore un peu et on était mardi. Voici donc la fameuse sosopate. Quoi ? Moi ? Mais qui m'appelle comme ça ? Ah, vous ne le saviez pas. C'est votre petit Fredo qui a dû prendre l'initiative, alors. Le petit con. Ça ne m'étonne pas de lui. Il n'a jamais compris mon immensité. Ok. Il est temps d'arrêter les conneries, Jessica. Votre folie meurtrière s'arrête ici. Folie meurtrière ? Mais je n'ai tué personne. Si, quand même. Au moins trois. Claude Le Goëc. Ça vous dit quelque chose ? Ah oui, mais le Goëc, ça ne compte pas. Je ne l'ai pas tué. Je l'ai juste poursuivi avec un pot de bolognaise pour lui faire peur. Il a trébuché sur son manteau et s'est cogné la tête contre un pilier. Quoi ? Je lui avais dit qu'il était trop long, son impère. Hé, Vladimir, Escronza, celui qui ne pouvait pas manger de gluten ? Oh non, lui, c'est les pâtes qui l'ont tué. Il n'était pas digne de sa sublime viscosité nouillesque. Moi, je n'ai fait que tester sa foi. Comment ça ? Eh bien, en l'attachant à une chaise et en lui faisant ingérer 1 kilo de pâtes. Avec un tube. Comment aurais-je fait autrement ? Je préfère pas savoir. Et Fredo ? Oui, là, admettons, je l'ai un peu tué. Mais au départ, c'était presque une blague. Il était tout nerveux, à deux doigts de tout balancer. Moi, j'avais pris mon grand couteau pour l'effrayer un peu. Bon, il n'est pas impossible que je l'ai accidentellement poignardé. 4 fois dans le dos ! Bon, vous allez arrêter de pinailler ? On n'est pas là pour parler de ces détails. Non, mais on n'est pas là pour parler du tout, en fait. C'est vrai, levez les mains. Et plus vite que ça. Et posez ce pot de bolognaise. Pauvre fou, vous ne comprenez rien. Vous n'êtes pas digne d'être pasteur du changement qui est en marche. Attention, bolognaise. Merde, elle s'est tirée. C'est quoi cet endroit? C'était là où étaient fabriqués les... Non, ne me dis pas ce que je pense que tu vas dire. Les pots de sauce tomate ? Oh putain, c'est pas vrai ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait bien qu'elle a mis la chaîne en marche. Évidemment. Ok. Karim, je monte par là. Essaye de faire le tour et de voir si tu peux arrêter les machines rapidement. C'est toi que je vais farcir. Pourquoi j'ai dit ça, moi ? Jessica ! Montrez-vous ! Rendez-vous, c'est ridicule ! Vous savez ce qui est ridicule ? De porter un complet jaune avec une cravate marron. Ça, c'est ridicule ! Certes, Jessica, je vous le concède, mais c'est pas une raison pour tuer des gens ! Je les ai pas tués ! Ok, je les ai un peu tués. Et comme l'a sucerie ma douce omnipotence carbonée, je ne fais pas de ramène sans cramer les coups de feu. Main en l'air. Merde. Ratsuki ! Ratsuki qui te pourrit ! Et toi, tu vises de moins en moins bien, sociopathe. Tu devrais peut-être pas. Ok, c'était pas ça, pardon. Boum, ce truc, Karim. C'est insupportable. On peut plus la repérer dans ce bordel. Je sais, c'est bon, Mathéo. Karim. Ouais, quoi? C'est comme qu'il dirait un petit problème. Bouge pas, Mathéo, j'arrive. Plus bouger, sinon quick, je le sabre. Ok, ok, tranquille. Pose ce tesson et tout ira bien. Pas de souci. Ça t'embête si je le plante dans la carotide de Dorazoni. Moi, ça m'embête, perso. Tu bluffes. Sérieux, Karim ? Karim ! Ok, ok, tu bluffes pas. Désolé, Mathéo, mais ça valait le coup d'essayer. Bien sûr, pas sûr de partager ton point de vue, là. Je m'en vais maintenant. Et je prends Radzoni avec moi. Je l'aime bien. Il sent bon. Ah, sans déconner. Je crois que je préférais le tesson. Laissez-moi partir, sociopathe. De toute façon, vous n'irez pas bien loin. Mon nom est Carbonara. Jessica Carbonara. Et voilà. Je suis toute énervée maintenant. Vous êtes content? Oh, tant pis. Ce sera quick, Radzoni. Je me débrouillerai avec l'autre ensuite. Sa Majesté à l'habile appendice me protégera. Non! Non, attendez! Mais aïe! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce oh. Question? Combien il faut de flics armés pour arrêter une folle et son bout de verre? Réponse? 2, mais oubliez pas Marie. Maric? Bizarre! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous sauve la peau. Mais vous êtes qui? Je suis l'ange gardien de Mathéo. C'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Mais enfin, Maric, comment vous avez fait? Je vous l'ai dit, Mathéo. Je fluctue. Wow, la classe. Karim, la ferme. Oui. Radzoni n'est pas là? Je crois qu'il est en train de faire enlever les morceaux de verre du visage. Encore? Oui, ils ont dû changer d'infirmier en cours de route. Le premier en a eu marre de se faire insulter. Ah, vous avez fait du bon boulot, Méziani. Merci, chef. J'ai également reçu un coup de fil d'une des leaders du groupe pastafarien local. Ah, Julie, vous a appelé? Vous la connaissez? Oui, enfin, un peu. Enfin, je l'ai croisée, enfin, voilà. Et donc, vous avez dit quoi? Elle m'a parlé de la réputation de cette Bonara. Il semble qu'elle sévit depuis quelque temps. Elle aurait essayé d'infiltrer au moins deux autres groupes pastafariens ces derniers mois et à chaque fois, elle a fait du dégât. Quel genre de dégât? Bon, d'après ce que j'ai compris, il y a eu 2 suicides de pastafariens et au moins 3 décès improbables. Plus improbable qu'un type qui se fracasse le crâne en trébuchant sur son imperméable? J'en sais rien, Méziani. Entre ça et quelqu'un qui s'empale sur son propre sabre de pirate en glissant sur une flaque de sauce tomate, qu'est-ce que vous diriez? Le deuxième. Ah, Radzoni, comment vous sentez-vous? Je hais les infirmiers. Ils connaissent pas leur chance. Je disais à Méziani que c'était du bon boulot. Ouais, si on oublie les 3 morts et la cathédrale en feu, ça a été une affaire rondement menée. Votre optimisme vous perdra, Radzoni. Et qui est donc cette femme qui a assommé la suspecte? C'est une amie de Mathéo. Ouais, enfin une connaissance, et elle était là par hasard, je sais pas trop pourquoi, ni comment d'ailleurs. Elle a fluctué. Quoi? Non, rien, ne l'écoutez pas. Ok, on aura sans doute besoin de lui poser quelques questions quand même. Oui, je m'en occupe, chef. Bien, bon, il y a encore du boulot, mais ça pourra attendre demain. Vous êtes libre pour ce soir. Une dernière chose. De la Palice voudrait qu'on mentionne son apport à l'enquête. Je vois absolument pas de quoi il veut parler. Nous sommes d'accord. Parfait. Au revoir, messieurs. Au revoir, chef. Bière? Soit arrivé quelque chose. J'avais peur que tu me laisses une ardoise non réglée. Ah oui, à propos, c'est ma tournée. Ah. Tu me la notes? Oh bah merde, Mathéo. Bon, c'est bien parce que t'as la tête d'un mec qui vient de choper la petite vérole. Qu'est-ce qui t'est arrivé d'ailleurs? Un pot de bolognaise. Je demande ou... Vaut mieux pas. D'où venez-vous? Ouais, elle fait ça. On s'y habitue. Je constate que votre collègue est aussi affûté que vous, Mathéo. C'est rassurant. Faudra quand même que vous m'expliquiez un jour comment vous vous êtes débrouillé pour être pile au bon endroit, pile au bon moment. Bien sûr. Mais sûrement pas aujourd'hui. Je m'en voudrais de vous priver du bonheur de l'ignorance. La réalité est toujours tellement décevante. Ramène. Putain. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir... Sauvé la vie? Voilà. Je peux vous demander quelque chose en échange? Ça dépend. Quoi? Si on se disait tu? Je vais y réfléchir. Allez, santé. Comme vous pouvez ne pas l'entendre, le portable de Mathéo est en train de sonner. C'est quoi ça? Un texto, Mathéo. Je vous conseille de décrocher. Qu'est-ce que c'est? Jean-Louis, laisse, j'y vais, je... Bah oui, carrément. Bah vraiment, j'ai droit, dedans. Allô? Lieutenant Radzoni? Lui-même. À qui ai-je l'honneur? Nous voulions vous remercier, lieutenant. Tiens donc. Pourquoi ça? Nous avoir débarrassé d'un élément gênant. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser des agités comme Jessica Arbonara saboter notre travail. Grâce à vous, nous pourrons poursuivre notre projet plus tranquillement. Quel projet? De quoi vous parlez? Les voies du spaghetti sont impénétrables, lieutenant. Hein? Qu'est-ce que vous racontez? La réalité n'est pas celle que vous croyez. Qui est à l'appareil? À bientôt, lieutenant Radzoni. Allô? Allô? Alors? C'est qui? Personne. T'es sûr? Parce qu'à voir ta tête, on dirait que c'est la mort qui t'a dit j'arrive dans 5 minutes. Oh, allez, laissez-le tranquille. Il en a assez bavé comme ça aujourd'hui. À la vôtre, Mathéo. À la tienne. À la tienne. Ouais. À la mienne.